Yeah. pa-pa-da. Maestro, il piano, un attimo, ça va? Mister Donati. T'as un prénom italien, ça fait un pseudo italien. Ça coupe. Ça coupe. Ça coupe. Ouais, c'est pas mal ça.